Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Olivier Assayas appartient à la famille des réalisateurs de cinéma qui écrivent. En 2009, il était l'invité de Michel Simand dans Projection Privée pour la sortie de Présence écrit sur le cinéma, un livre regroupant ses textes critiques. Pour la plupart, il s'agissait de ceux qu'il avait écrits dans les cahiers du cinéma entre 1980 et 1985. Durant cette période, lui et Charles Tesson auront été parmi les premiers à aller voir ce qu'il se passait pour le cinéma du côté de l'Asie, œuvrant notamment à la réalisation du numéro spécial des cahiers titré « Made in Hong Kong ». L'occasion alors de rencontres avec Tsui Hark, King Hu, Allen Fung et la nouvelle vague de Hong Kong. Poussant la route jusqu'à Taïwan, ce fut aussi l'occasion de rencontres majeures, celles de Hu Xiaoxian et Edward Yang. J'ai théorisé très tôt qu'il y avait une mondialisation du cinéma d'auteur, dit Assayas. J'ai toujours été mal à l'aise avec l'aspect étriqué, fermé sur soi, du cinéma français. C'est un des meilleurs cinémas au monde, là n'est pas le débat. Il est riche, divers, mais très insulaire, et en souffre. Pas en termes de commerce, mais dans son aptitude à raconter le monde. Projection privée. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Olivier Assayas pour la parution aux éditions Gallimard de Présence, écrit sur le cinéma, préface de Laurence Kifano. On sait qu'en France, les cinéastes ont des rapports avec la littérature. Certains écrivent très bien. C'est le cas d'Olivier Assayas. Et d'ailleurs, c'est un des thèmes de votre livre, le scénario, mais aussi l'écriture. D'ailleurs, vous distinguez les deux, entre l'écriture et le scénario. Donc, je suis très heureux que vous veniez à ce salon du livre, surtout que vous êtes en plein tournage, qui est tout de même très accaparant. Qu'est-ce que vous tournez en ce moment, Olivier Assayas ? Alors, je tourne un film qui est assez passionnant et qui est une sorte de film monstre, sur un monstre d'ailleurs, puisque c'est l'histoire de Carlos, enfin, alias Illich Ramirez Sanchez. Donc, c'est un film qui est beaucoup sur le terrorisme dans les années 70-80 et ses ramifications internationales. C'est un film alors à plusieurs épisodes ou... C'est un film que moi je considère en fait comme un film de 5 heures voire au-delà qui va être séparé en 3 parties pour une diffusion d'abord sur Canal+, enfin en fiction, mais disons que pour l'essentiel de sa vie sera surtout un film qui sera une version sans doute évidemment réduite, mais enfin de cinéma qui sortira sur les écrans. Alors donc, Présence, c'est un recueil de vos articles, un livre passionnant, extrêmement varié, avec des textes inédits de nature presque autobiographique, en particulier, je pense, au fil d'Arial. Donc ce sont vos articles aussi où vous avez fait vos débuts au cahier du cinéma, puis des textes qui ont accompagné votre vie de cinéaste, puisque en fait, vous avez passé 5 ans à être critique et déjà 23 ans à être cinéaste avec 13 films, 12 fictions et un portrait documentaire très beau d'ailleurs de Hu Xiaoxian, puisqu'on verra que l'Extrême-Orient est un des domaines que vous chérissez particulièrement. Donc c'est seulement quand on rassemble ce genre de texte qu'on se rend compte vraiment de la qualité de l'écriture et aussi de la cohérence d'un parcours critique. Et c'est ce qui apparaît très, très nettement dans Présence. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de les rassembler à ce stade de votre travail ? Disons que j'ai toujours eu envie de les rassembler. J'ai toujours eu envie de les rassembler pour plusieurs raisons. L'une, parce que j'ai toujours eu l'intuition qu'il y avait quelque chose qui accompagnait mon évolution, mon travail et la façon dont je me suis constitué moi-même, qui existait en filigrane dans ces textes. Parce que pendant la relativement brève période où j'ai écrit, j'ai beaucoup écrit. je dirais presque à tort et à travers, enfin dans le sens où j'ai fait simultanément du journalisme, des petits écrits de critique alimentaire, je dirais, dans un style branché auquel je suis pas très attaché, je dois dire. Mais je savais que au-delà de ça, il y avait les textes sur lesquels, évidemment, qui comptaient le plus pour moi, ceux auxquels j'ai consacré le plus de mon temps et de ma passion, et je savais qu'ils m'importaient et qui racontaient tout autant quelque chose que les scénarios des films que j'ai écrits par la suite, et que au fond il y avait quelque chose qui complétait de façon, je dirais, presque centrale l'évolution de mon travail de cinéaste. Et donc il me semblait que ce livre, c'était l'occasion de le vérifier et d'une certaine façon d'associer les textes de mes débuts à ceux qui ont alors été que j'ai rédigés en parallèle de mes films. Alors vous êtes du côté de Chateaubriand qui était pour les exercices d'admiration, pour la critique d'admiration. Vous avez retenu un seul texte négatif, et ça serait intéressant peut-être de commencer par là. C'est un texte sur Fellini, avec lequel vous avez peu d'affinité, alors que vous aviez un très beau texte sur Visconti, sur Ludwig. Et c'est à l'occasion de Évogue le navire, et en particulier chez Fellini, le goût de la métaphore, le goût du symbole en particulier. Oui, disons qu'aujourd'hui, j'écrirai pas le même texte sur Fellini, d'autant plus que c'est un cinéaste qui a fait au moins un film que je mets au plus haut, qui est La Dolce Vita, dont je considère que c'est sans doute le chef-d'œuvre du cinéma italien de son temps, et un des chefs-d'œuvre du cinéma tout court. Je pense qu'après La Naveva, il y a eu une sorte de crise moderniste de son cinéma qui a donné lieu à des films que je trouve assez passionnants. Donc, il y a tant de films de lui que j'aime, mais c'est vrai que au moment de la sortie d'Ella Naveva, qui n'est, je crois, pas son film le plus réussi, en tout cas celui où il me semble le plus empêtré dans un baroque assez laborieux, dans une métaphore assez vaseuse, etc. Bon, j'en ai peut-être profité pour régler des comptes avec ma propre adolescence et avec peut-être un rapport un peu superficiel au cinéma que j'avais à cet âge-là, j'avais une admiration pour lui, pour Ken Russell, pour des cinéastes du baroque, et que peut-être il fallait que je tue ça en moi à ce moment-là, ça représentait quelque chose. Lorsque vous faites ce que d'ailleurs les critiques professionnels, puisque vous n'êtes pas vraiment un critique professionnel, c'est moi qu'on puisse dire, ne font pas quand ils recueillent leurs textes, c'est un exercice de repentir. C'est-à-dire il y a un très beau texte sur le diable, probablement, où vous racontez que vous l'aviez vu à 17 ans, je crois, et que vous l'avez revu 20 ans plus tard, et vous avez complètement changé d'opinion sur le film de Bresson. Oui, disons que bon, Bresson est sans doute le cinéaste qui a compté le plus dans ma vie, hein. Je dirais même l'artiste qui a compté le plus dans ma vie. Je pense que si je fais du cinéma, c'est parce que Bresson m'a donné l'évidence que ça méritait d'y consacrer sa vie, disons, pour le dire le plus simplement possible. C'est vrai que j'ai toujours eu cette espèce de culpabilité en moi d'avoir été voir Le Diable probablement, et au fond de n'avoir pas compris le film, d'être resté ironique, distant, tout avec cette ironie qui est ce que je supporte le moins au fond dans le regard qu'on peut avoir pour le cinéma. Moi, j'ai toujours été préoccupé de me défaire de cette ironie-là que je déteste quand je l'identifie, et je me suis retrouvé dans ce public ironique, et donc j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et je crois que évidemment ça tenait au fait que l'écran était un miroir, et à un âge où j'avais pas envie que l'écran soit un miroir, j'avais besoin d'être emporté par un cinéma d'imagination. J'avais besoin que peut-être on flatte mes préjugés, mes certaines convictions à l'emporte-pièce. J'avais pas envie que, aussi brutalement que le fait Bresson dans Le Diable probablement, on représente le monde dans lequel je vis, avec y compris ses impasses. Et c'est vrai que, non pas 20 ans, mais enfin quelques années plus tard, en tout cas quand j'ai revu le film, j'ai été saisi d'à quel point ce film racontait le monde dans lequel je vivais à ce moment-là. Et j'ai été saisi du fait que j'ai été incapable de le voir. Et donc, évidemment, ça donne lieu à une réflexion qui est l'objet de ce texte. Parce que ce qui est vrai, que quand on pense au diable, probablement, c'est un sujet pour Assayas. C'est-à-dire que c'est tous vos premiers films, Désordre, L'Enfant de l'Hiver, Paris s'éveille, Une nouvelle ville, Eau froide, sont consacrés à des adolescents, à des jeunes. Bresson faisait un portrait de la jeunesse, évidemment très différent de ceux que vous proposiez, mais néanmoins, il y a une sorte d'affinité intime. intime. Avec, et moi, pour moi, là, enfin, admettons que la matrice hein, de mon cinéma au départ, après j'ai l'impression que je suis allé dans d'autres directions et ça c'est devenu. Bon, j'ai exploré d'autres territoires, mais je pense que Le Diable probablement et L'Argent sont les deux films d'où sont sortis beaucoup de choses des films de mes débuts. Alors, puisqu'on parle de portrait de la jeunesse, il y a un cinéaste, alors c'est la première fois que j'y ai pensé par rapport à vous, mais c'est très éclairant, je trouve, parce que je ne connaissais pas ce texte que vous avez écrit sur Skolimowski, mais je pense qu'il y a tout de même des affinités. C'est presque un cousin plus âgé, parce que cette vitesse d'exécution, cette fébrilité, ce portrait de la jeunesse qu'il y a dans Dipin et dans tous les premiers films de Skolimowski, cette façon très, très instinctive, enfin cette vibration, ça ressemble beaucoup à votre cinéma. Oui, et ça m'a frappé en retrouvant ce texte. Parce que je l'ai pas vu au moment où il est sorti. Hein, Deep End, je l'ai vu quand le film est ressorti. C'est un peu plus tard. Hein, il est ressorti en salle après le succès de Moonlighting, de Travail au noir. Donc je l'ai découvert à ce moment-là. Et c'est vrai que ça m'a frappé parce que ça a tellement à voir avec les choses que j'ai essayé de faire à partir du moment où j'ai commencé à faire des films comme L'eau froide ou Irma Vep, etc. Où il y avait un désir de saisir les choses au vol, quoi. Mais je crois que j'avais, quand je faisais ces films-là, derrière la tête, l'énergie que j'identifiais dans un film comme Travail au noir, la façon dont ce film était improvisé, tourné, et dont il saisissait un moment assez historique, hein, assez unique, puisque, bon, c'est vrai, il filme en direct le coup d'État de Jaruzelski en Pologne, en fait, où son écho sur des gens qui sont sur des Polonais expatriés. Enfin, ce qui est aussi beau dans votre livre, et en particulier dans les essais les plus récents, c'est que vous continuez à avoir une grande exigence, c'est-à-dire que vous êtes très passionné sur une grande exigence de ce que peut être le cinéma, de ce qu'il peut donner. Vous avez des phrases assez cinglantes sur un endormissement, par exemple, les gens qui admirent Cassavetes, mais qui en fait font le contraire de ce que Cassavetes propose. C'est-à-dire que vous êtes tout de même du côté de l'auteur et du côté de la personnalité qui s'exprime dans le cinéma. Moi, je crois vraiment en deux choses assez élémentaires qui sont la liberté et la singularité. Et que dès que je sens du conformisme, une manière de s'adapter de façon trop, molle, enfin, aux idées reçues de l'époque, il y a quelque chose en moi qui se hérisse instantanément. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de suivisme, il y a beaucoup de conformisme. On vit pas à une époque où l'idée de la singularité, hein, de l'unicité de l'individu, de son point de vue et la façon dont cette unicité-là peut éclairer le monde d'une manière en biais et d'une façon qui peut être éclairante, hein, pour autrui et valorisée. C'est même plutôt l'inverse. On a l'impression que les films doivent tous raconter la même chose, que les cinéastes doivent tous penser la même chose. Il y a sans arrêt ces pétitions où on vous dit 1000 cinéastes ont signé, 250 cinéastes ont signé pour, grosso modo, enfoncer tous ensemble une porte largement ouverte. Mais d'ailleurs, dans votre parcours, enfin, votre présence très importante au Cahier du cinéma, puisque vous avez signé deux numéros spéciaux sur Hollywood et sur Hong Kong, vous vous distinguez tout de même. D'ailleurs, le titre de ce chapitre, c'est « En marge des cahiers ». Votre goût d'une forme d'indépendance par rapport à la mode se signale, puisque vous arrivez dans une revue qui vient de traverser 6 années ou 7 années de terre sèche, de maoïsme intransigeant, et vous bousculez un peu tout cela par une cinéphilie qui n'est pas tellement... Enfin, je sais que vous n'aimez pas de mots, on en parlera de cinéphilie. Je me suis senti un peu visé. Mais en tout cas, c'est certain que vous vous distinguez par votre défense de cinéastes comme Eastwood, à l'époque, qui n'était pas du tout bien considéré au sein des cahiers. Ah oui, bien sûr. Non, mais disons que, bon, cet espace de liberté que j'ai eu, je l'ai eu aussi grâce aux rédacteurs en chef de l'époque qui me l'ont donné, hein, donc qui étaient Serge Danet, Serge Toubien. Mais c'est vrai que j'étais, moi et quelques autres jeunes rédacteurs de la revue, très en décalage d'une histoire collective du groupe, hein, qui avait fait la revue pendant les années précédentes et qui évidemment était toujours là. Je n'avais pas lu les cahiers du cinéma, je lisais pas cette revue. Cette revue, elle parlait de politique et d'un point de vue qui était très loin d'être le mien, puisque je la jugeais stalinienne et que moi, au fond, je suis d'une sensibilité, pour résumer, pas rentrer dans le détail, plutôt libertaire qu'autre chose. Et donc, pour moi, c'était une revue qui intellectuellement étaient plutôt ennemis. Et puis surtout, j'avais envie de faire des films. Donc comme tous les jeunes gens, je lisais, y compris Positif, bien sûr, qui parlait de cinéma, et plus facilement que les cahiers du cinéma, qui n'en parlaient pas. Donc quand j'ai commencé... quand j'ai commencé à y écrire, j'y ai écrit parce que il y avait ce désir d'ouverture, de renouvellement, et tout était à reconstruire. C'était une sorte de tabula rasa, hein, et ça, évidemment, pour un jeune homme, c'était assez extraordinaire parce qu'il fallait reconstituer le rapport au cinéma américain, reconstituer le rapport aux acteurs, reconstituer le rapport au scénario, reconstituer le rapport au cinéma français d'ailleurs, et ce travail de redéfinition, j'ai eu le plaisir d'y contribuer. Et c'est vrai que moi j'apportais, avec d'autres, Charles Tesson entre autres, une sensibilité qui évidemment était très en décalage. Moi j'apportais le cinéma de genre américain, j'admirais Cronenberg, j'admirais Wes Craven, j'admirais John Carpenter. Aucun de ces gens-là n'avait droit de citer au cahier, donc j'essayais de grignoter du terrain comme je pouvais. J'admirais bien sûr Clint Eastwood, dont le travail de réalisateur m'a très tôt impressionné. J'ai poussé pour l'imposer là aussi. Mais enfin, de la même manière que j'ai fait ce que j'ai pu pour réhabiliter des cinéastes que j'admirais, comme Jean-Pierre Melville ou Jean-Pierre Mocky d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est autre chose, mais je trouve qu'il y a une œuvre, il y a une œuvre qui me semblait très négligée. Melville est un génie, et donc c'est une des histoires, un peu des paradoxes, parce que j'avais écrit en fait un long texte sur Melville que j'ai jamais retrouvé d'ailleurs, pour le numéro spécial sur le cinéma français. Et Danet m'avait dit, pas Melville, pas Melville quand même, etc. Et donc il m'avait obligé à réduire le truc jusqu'à ce qui était devenu une peau de chagrin. Mais enfin, 6 mois plus tard, Danet, il écrivait sur Melville, et en le remettant à sa juste place, c'est-à-dire au plus haut. Ce qui est intéressant aussi, c'est, je trouve que les étudiants en cinéma devront prendre de la graine, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, par rapport aux générations des années 30, 40, 50, on a une éducation cinématographique dans les écoles de cinéma exclusivement cinématographique. C'est-à-dire que tout passe par le cinéma, tout est référentiel par rapport au cinéma, alors que les grands artistes, on voit, étaient nourris de peinture, de littérature, etc. Et là, on sent chez vous, d'ailleurs, vous le dites, que... au début, même dans votre jeunesse, d'abord vous avez été peintre, vous avez fait de la peinture, d'une part, et que les peintres ou les écrivains ont compté peut-être encore plus que les cinéastes. C'est-à-dire vous parlez de Bacon, vous parlez de Hockney, vous parlez de Warhol, Warhol peintre et cinéaste, vous parlez de Guy Debord, par exemple. D'ailleurs, vous avez déjà publié une lettre à Alice Debord, à la veuve de Guy Debord, donc c'est un de vos ouvrages précédents. Donc, cette double formation picturale et littéraire va être importante, et le rock évidemment, aussi le rock, parce que vous êtes un grand amateur de musique, donc on peut dire que c'est une conception de l'art assez vaste dans laquelle le cinéma s'inscrit. Disons que ça a à voir avec la période où j'ai grandi, c'est-à-dire avec les années 70, et puis le milieu dans lequel j'ai grandi. Mon père était scénariste, il écrivait des films, il en a y compris réalisé, mais enfin c'est quelqu'un qui m'a surtout appris, enfin fait découvrir la peinture et la littérature. C'était quelqu'un qui avait une très grande culture dans ces deux domaines, et qui considérait que l'art était là. Il considérait que ça n'était pas tant que ça dans le cinéma, où il avait des repères qui dataient un peu, enfin voilà. Donc mon éducation artistique a été une éducation littéraire et picturale. Il était d'origine italienne, plutôt la peinture classique italienne, la Renaissance, enfin voilà. Et simultanément dans les années, je dirais dans les années 70, qu'est-ce qui étaient les formes d'art sur lesquelles, enfin qui donnaient le sentiment de saisir ce qui était en train de se passer? Oui, le rock, mais la poésie aussi. Ginsberg, Grégory Corso, Lawrence Ferlinghetti, Kerouac, Burroughs, tout ça, je lisais ça avidement, même si quelquefois j'y comprenais pas grand-chose, parce que les cut-ups de Burroughs, des fois, il y a des moments où là, il faut avouer, il faut bien s'accrocher. Mais disons que pour moi, le cinéma ne me parlait à la première personne, hein, directement, au-delà du plaisir que je pouvais avoir de voir des films en spectateur à la télévision ou dans les salles, mais où me parlait à la personne que j'étais directement, que sous une forme qui, d'une façon ou d'une autre, était reliée à la musique, à la contre-culture, à la poésie, etc. Donc, au fond, mon chemin vers le cinéma n'a jamais été cadré par les repères classiques de la cinéphilie française. Ça s'est constitué anarchiquement, autrement, ailleurs, etc. Mais je pense surtout que, admettons que dans le cinéma, la question du goût, la question du regard, la façon dont on essaye de comprendre cet art, de l'envisager de façon globale, est définie par des critères qui sont inspirés plus ou moins toujours d'autres choses. Pour moi, c'est les critères de l'histoire de l'art. C'est-à-dire que je me suis toujours intéressé à la question de l'histoire de l'art, à la question de l'évolution de la peinture, de ses cycles, de la façon... Je me suis intéressé aux peintres en tant qu'il y a leurs œuvres de jeunesse, de maturité, de vieillesse, la façon dont comment tout ça se constitue. Et j'ai l'impression que c'est ce moule-là que j'ai toujours adapté au cinéma, où il y a constamment, dans ce que j'ai écrit dans mon regard, et à l'époque et aujourd'hui aussi, toujours un mélange entre, entre l'œuvre en tant que telle et la façon dont elle s'inscrit dans le vivant, dans l'existence d'une personne qui est un artiste. On sent que de ce point de vue-là, Balthus a été très important. C'est-à-dire que Balthus, avec son rapport à la tradition et en même temps sa modernité, c'est quelqu'un qui vous a fasciné. Oui, parce que Balthus a été essentiel pour moi, parce que, encore une fois, j'ai commencé à m'approcher du cinéma à une époque où la question de la figuration était suspecte. C'est-à-dire, le cinéma était très politisé, très abstrait, il était godardien, il était ackermanien ou durassien. Tout ça, admettons que je mets tout ça dans un registre qui est celui de l'abstrait. C'est-à-dire, c'est un cinéma où la question du personnage existe assez peu, où la question de la dramaturgie n'est pas romanesque, disons, et que, d'une certaine façon, j'avais besoin pour moi de trouver des repères dans la modernité, dans la contemporanéité, qui relevait d'une figuration, qui était en réalité la chose qui m'attirait. Parce que moi, la raison pour laquelle je me suis éloigné de la peinture et du graphisme, c'est justement la question de l'incarnation. C'est-à-dire que ma peinture était abstraite, mon graphisme était, abstrait ou théorique au carré, et il y avait quelque chose d'insupportable dans la façon dont ça me coupait du monde et de l'humain. Donc moi, je suis allé vers le cinéma parce que je m'intéressais au romanesque et à l'humain. Mais simplement, j'avais besoin, par intellectuellement, d'arriver à trouver un repère artistique où la figuration serait légitimée en tant que forme d'expression moderne. Et ça, je l'ai trouvé chez Balthus. Parce que Balthus, c'est un grand peintre moderne, solitaire, qui n'a jamais lâché le fil de la sensation, de la sensualité, etc. Mais sur un autre registre, Bacon tout autant. Bacon ne peint que des corps, il peint rien d'autre. Le reste lui est pratiquement indifférent. Alors, en même temps, d'abord, Balthus et Bacon, ce sont des peintres qui intéressent les écrivains, beaucoup. Il y a eu beaucoup d'écrits sur eux. Et votre rapport à la littérature, à l'écriture, est là aussi très, très complexe, parce que vous avez un grand amour de la littérature, ça se sent. Et en même temps, vous avez été scénariste pour André Téchiné, c'était vos premiers travaux pour le cinéma. Oui. Et en même temps, vous avez un rapport au scénario qui est assez complexe, parce que le scénario, à la fois, vous ne pouvez pas en nier le rôle, et en même temps, il faut s'en méfier. C'est-à-dire que, le scénario dans une forme bouclée, dans une forme fermée, c'est-à-dire qu'il y a un décalage. En fait, on se rend compte, quand on regarde l'histoire du cinéma, que beaucoup de grands cinéastes, quand on apprend des détails sur les tournages qu'ils faisaient, ça va de Chaplin jusqu'à Kubrick, que finalement le scénario n'est qu'un blueprint, comme on dit en anglais, n'est qu'une sorte de dessin d'architecture. Absolument. Par rapport à ce que va être le bâtiment. Absolument. Moi, il me semble que le cinéma a lieu en partant du scénario. C'est que le scénario, admettons que on peut le voir comme une architecture, c'est-à-dire des repères, qui permettent de construire sur quelque chose dont on a le sentiment que c'est solide, dans le sens où ça s'articule d'une façon qui mène d'un début à une fin, et que donc c'est le prix de la liberté. On peut aussi le voir comme un état intermédiaire, c'est-à-dire que pour moi, l'écriture du film, elle commence avant que j'ai mis la plume sur le papier, c'est-à-dire que dès que je commence à imaginer le film, et l'écriture l'écriture se termine quand je suis au mixage et que je suis encore en train de reconsidérer ceci ou cela dans la façon dont j'ai raconté mon film. Et simplement, il y a un moment donné où il faut geler ce processus pour tout simplement pouvoir le partager avec, avec ses collaborateurs, pour pouvoir structurer la production du film, parce qu'évidemment, il faut donner quelque chose à lire à des financiers qui seront convaincus ou pas par le projet. Donc c'est nécessaire, mais pour moi, ça ne peut être que quelque chose d'intermédiaire. Et que je dirais que ce n'est même pas un point de départ, parce que le film, par essence, il est très au-delà du scénario, puisqu'il est incarné, puisqu'il saisit la vie. Mais le scénario doit être l'outil qui va me permettre structurer l'outil cinématographique, c'est-à-dire réunir l'équipe, réunir le financement, trouver les lieux, trouver les interprètes qui me permettront de saisir du vivant et qui doit sans arrêt évidemment bousculer, réinventer ce que j'avais initialement mis sur le papier, quoi. Mais alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que d'une certaine façon, non pas que chez Bresson le scénario soit une chose très importante, mais néanmoins, on sait l'hostilité de Bresson à l'égard des comédiens, parce que le comédien, c'est la seule chose qu'il ne peut pas contrôler. Oui. Parce que le comédien échappe à son désir de contrôle absolu. Or, on sait très bien que beaucoup de grands cinéastes, même qui exercent le contrôle par ailleurs, au contraire, aiment le comédien parce que c'est celui qui peut leur amener des choses qui n'étaient pas prévues. C'est-à-dire, au moment du tournage, que ce soit Kazan, que ce soit Kubrick, enfin des gens qui aiment vraiment contrôler les choses, on voit que dans ce qu'il raconte, à un moment, le comédien propose des choses, Malcolm McDowell dans Orange Mécanique, qui n'étaient pas vraiment écrites. Mais bien sûr. Alors, et vous avez d'ailleurs deux très beaux textes dans votre livre, l'un sur Jean-Pierre Léo et l'autre sur Maggie Cheung, où justement vous parlez de ce qu'un comédien peut apporter. Parce que le comédien, son rôle, c'est de bousculer, de bousculer le rôle, de le réinventer. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours tendance à dire aux comédiens, quand je les rencontre, je leur dis, écoutez, voilà, moi, à partir du moment où je ne vais pas vous dire grand-chose sur le tournage, je vous dirai c'est plus ça ou c'est plus ça, etc. Mais au fond, je ne vais pas beaucoup vous parler du personnage parce qu'en réalité, j'ai envie que ce soit vous qui m'en parliez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi, pour une raison qui est la mienne, j'ai défini que je vous confiais ce rôle-là parce que vous y apportez quelque chose de plus d'emblée que ce que j'ai imaginé, je considère que vous en savez plus sur lui que moi. Donc j'ai envie d'être spectateur de ce que vous allez en faire, d'où vous allez l'emporter, et puis alors après, à moi de le cadrer, de le recadrer, de vous aider, de vous guider dans votre chemin, dans le développement de ce personnage. Mais pour moi, le comédien a toujours le dessus sur le personnage tel qu'il se constitue, il est inventé bien plus par l'interprète que par ce que j'ai écrit. Mais je dis ça vraiment, même y compris au sens le plus élémentaire, c'est-à-dire que la moindre ride sur le visage d'un comédien, la façon dont il sourit, la façon dont il bouge, où il passe sa main dans ses cheveux, c'est quelque chose qui a infiniment plus de vérité que la scène la plus complexe que je pourrais écrire. Donc c'est lui qui va opérer une transmutation de l'écriture. Donc il est au centre. Alors, moi, encore une fois, ça ne remet pas en cause mon admiration pour Bresson, mais pour moi, Bresson, d'abord, c'est quelqu'un qui a inventé quelque chose d'unique, qui est sien et qui est l'essence même de son art. Et puis, je dirais que je le vois comme un poète, ou une sorte de poète en prose, là où j'ai envie d'être un romancier. Alors, Maggie Cheung, évidemment, que j'ai cité, puisqu'il y a ce très beau portrait de Maggie Cheung, ça m'amène, évidemment, à votre rapport à l'Extrême-Orient. Quand vous rencontrez Maggie Cheung, qu'elle va jouer dans Irma Vep, votre film, qui est à la fois cette Chinoise qui se retrouve dans l'univers de Feuillade. Elle a tourné énormément de films. C'était une superstar en Asie. Elle a été aussi dans des films d'auteurs de Hong Kong, Days of Being Wild, bien sûr, de Wong Kar-wai, Green Snake de Tsui Hark, Center Stage de Sun Dae-kwan. Donc vous avez affaire à une icône du cinéma asiatique et aussi quelqu'un qui va être intégré à votre univers. Et aussi, on pourrait parler à ce moment-là de cette passion que vous avez eue pour l'Extrême-Orient, à une époque où le cinéma d'Extrême-Orient, que ce soit celui de Hong Kong ou de Taïwan, était tout de même beaucoup moins apprécié. Moins connu, enfin disons, donc la brève période, enfin, encore une fois, où j'ai écrit sur le cinéma, c'est spécifiquement la période où on a découvert le cinéma asiatique. Donc disons, d'une certaine façon, c'est le moment, les deux événements historiques de cette période-là, 80-85, c'est la transformation du cinéma par l'intermédiaire des trucages, des effets spéciaux. Hein, c'est le moment où tout ça se définit, s'invente et change la texture du cinéma pour toujours. Lucas Spielberg. Et la découverte, la reconnaissance hein, du cinéma d'Asie, dont on ignorait la nature, la teneur, l'identité. On connaissait King Wu tout de même. On connaissait King Wu en 75. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Et puis quelques autres. Hein, je veux dire Chou Chuen, moins connu. Mais au fond, on ne connaissait pas la carte. C'était vraiment une espèce de terra incognita. Il y avait des gens qui, bien sûr, il y avait eu des textes sur l'histoire du cinéma chinois, mais enfin, on ne peut pas dire que les films étaient visibles. Bon, ils ont été visibles véritablement à partir du tout début des années 80. Bon, moi, j'ai toujours eu un goût pour l'Asie, dont je n'imaginais pas initialement qu'il rejoindrait mon goût pour le cinéma. Je suis toujours très jeune, j'ai étudié le japonais en fac, très brièvement et sans grand succès, je vous rassure, mais enfin néanmoins, il y avait un mouvement dans ce sens-là. Je m'intéressais à la littérature, à la peinture asiatique, souvent d'ailleurs par les très beaux textes de Simon Leys, et y compris ceux qui signaient Pierre Ricmans à l'époque, qui étaient plus des textes d'érudition. Et en plus, il était anti-maoïste, donc voilà, ça nous plaisait à tous les deux. Voilà, exactement. J'étais beaucoup marqué hein, par Simon Leys. Quand on a découvert en Europe le cinéma chinois, évidemment, je me suis engouffré. Et puis, quand je suis allé pour la première fois à Hong Kong, à Taïwan, le dialogue s'est fait beaucoup plus simplement parce que je connaissais ce monde-là, je connaissais son histoire, j'avais au moins quelques repères qui me permettaient de dialoguer beaucoup plus facilement que ne le faisaient d'autres journalistes de cinéma de cette époque-là. D'où mon amitié tout de suite avec Edouard Yang, avec Rossi Haussienne, et mon rapport fort avec le nouveau cinéma de Taïwan de cette époque. La rencontre avec Maggie Cheung, c'est encore autre chose. Enfin, disons qu'elle j'essaye dans raconter les rouages hein, dans le texte qui est publié dans mon livre. Mais au fond... La chose la plus troublante pour moi, c'était, et complètement nouvelle à cette époque-là, c'était la possibilité de tourner avec une star de cinéma, avec une icône, comme vous le dites justement, enfin, elle était et toujours, d'ailleurs, on ne peut plus une icône du cinéma, autrefois du cinéma asiatique, aujourd'hui du cinéma mondial, mais que je pouvais amener sur un terrain complètement nouveau pour elle. C'est-à-dire que Maggie est quelqu'un qui a grandi en Angleterre, qui parle plutôt plus volontiers anglais que cantonais, donc au fond est quelqu'un qui est hybride, qui a une culture à la fois occidentale et orientale, mais qui au cinéma n'avait eu l'occasion que de jouer dans le cinéma hongkongais, qui n'était jamais sorti des frontières du cinéma hongkongais, et n'avait en l'occurrence jamais tourné en anglais. Et donc, je lui donnais l'occasion de tourner dans un contexte absolument différent, avec un type, évidemment, de structure de production complètement différente, puisque Irma Vep est un film indépendant parmi le cinéma indépendant. On l'a tourné en 4 semaines pour pas d'argent du tout. Enfin, c'est un micro-film. D'une star qu'on intègre dans un film de ce type-là, ça produit une sorte d'électrochoc qui est intéressant en tant qu'expérience de chimie amusante. Surtout... Je lui demandais de se jouer elle-même en anglais. Donc, tout d'un coup, j'avais quelqu'un qui avait fait 50 films, qui était au sommet de sa carrière, qui était d'une précision technique diabolique, que tout d'un coup, je mettais dans un territoire absolument autre, en lui disant, bon ben voilà, maintenant, trouve de nouveaux repères, réinvente-toi, je te donne la possibilité de te réinventer, et moi, je me donne la possibilité de te regarder le faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est parce que vous parlez de l'Angleterre, pour Maggie Cheung, c'est que, alors, un exemple aussi de votre anticonformisme, c'est tout de même de faire l'éloge de David Lean, Passage to India, Voyage aux Indes. La route des Indes. La route des Indes, oui. Voilà. Passage to India, roman de Forster. Voilà. Donc vous faites un éloge un peu mesuré, mais enfin néanmoins un éloge, alors que David Lean a tout même été très longtemps pour les cinéphiles une sorte de signe d'académisme, etc. Ouais. Et vous dites une chose intéressante sur l'Angleterre, que c'est finalement le passage vers l'Asie s'est fait à travers l'Angleterre. C'est-à-dire c'est l'Angleterre, pas seulement à cause de la route des Indes de Forster, mais en général, l'art oriental, la littérature orientale, la civilisation orientale, le passeur de l'Asie, ça a été l'Angleterre dans le monde occidental. Oui, oui, et David Lean, le cinéaste, qui en a rendu compte. C'est disons que l'empire colonial anglais, il a permis une circulation intellectuelle, artistique, enfin, disons que tout ce qui relève de l'érudition occidentale dans les domaines de la pensée, de la philosophie orientale, bon, bah, c'est tout de même l'Angleterre. Donc ça, c'était l'occasion au moins de le dire ou d'en rendre compte, parce que moi, quand je me suis intéressé à ces questions-là, j'ai bien vu que les livres que j'achetais à la librairie asiatique de Monsieur Samuel Yan, rue Monsieur le Prince, dans les années 70, eh ben, ils étaient en langue anglaise. Mais alors, Wu Xiaoxian dont vous parliez, il me semble tout de même qu'il y a des affinités profondes, non pas dans la nature de votre cinéma, mais dans la méthode de tourner. C'est-à-dire que chez Wu Xiaoxian aussi, le scénario n'est pas l'étape fondamentale. Il y a un travail sur le plateau où il se ménage beaucoup de liberté. Oui, plus que moi. C'est dans le sens où moi, je ne quitte jamais un canevas. Mais ça tient aussi à la structure économique du cinéma européen. C'est-à-dire que moi, je ne pourrais jamais avoir le luxe que s'autorisent des cinéastes comme Wu Xiaoxian ou Wong Kar-wai de tourner 4 jours, 5 jours, de faire le montage, de voir si ça va, si ça ne va pas, de dire, ben non, ben finalement, ça ne va pas, on va recommencer dans 2 semaines. Disons que la logique d'un tournage avec un plan de travail qu'on respecte, des horaires, etc., c'est pas du tout la méthode de travail du cinéma asiatique. Donc ça induit des œuvres comme celle de Wu Xiaoxian ou de Wong Kar-wai, qui sont des films qui se constituent par touches, par couleurs, comme un tableau qui apparaît. En rapport avec la peinture orientale. Ah ben, bien sûr, et qui se réinventent constamment. Donc en fait, ils se donnent la liberté de constamment réinventer leur film. Moi, c'est une liberté dont j'ai jamais disposé. Ça me passionnerait d'essayer de le faire, mais je suis pas complètement sûr que j'aurais beaucoup de plaisir à le faire, parce que il y a toujours une sorte de fond de cartésianisme néanmoins qui fait que quand je raconte un film, j'ai envie de le structurer comme un morceau de musique. Ça avance plus vite, plus lentement, enfin j'ai toujours besoin d'avoir un sens de la totalité de ce que je fais, c'est-à-dire qu'il faut que le détail soit constamment en rapport avec la totalité. Alors votre œuvre évidemment est très variée, enfin il y a des lignes de force, mais tout de même, moi ce qui me frappe, c'est tout de même, il y a votre goût dans vos écrits d'une radicalité qu'on ne soupçonnerait pas. Votre cinéma est très moderne, mais on dirait pas, je dirais pas qu'il est radical comme ceux que vous admirez. C'est-à-dire que votre texte sur Warhol en peinture, ou en cinéma, ou sur Guy Debord en cinéma également, puisque voilà l'exemple de deux artistes qui sont à la fois l'un écrivain et cinéaste, l'autre peintre et cinéaste. C'est une réalité qui est un peu insoupçonnée quand on voit votre travail à vous. Oui, oui, mais disons que c'est... Est-ce que c'est un horizon inatteignable ou quelque chose? Non, pas du tout. Pour moi, c'est admettons, comme la poésie de Mallarmé pour un romancier de son temps. Pour moi, il y a... D'abord, une circulation qui est très importante entre le travail de cinéastes expérimentaux et le cinéma narratif. Il me semble que le travail d'expérimentation, il est intrinsèquement lié à sa relation avec la figuration et avec le cinéma narratif. Il me semble que c'en est le laboratoire, et ça m'afflige toujours quand je vois la façon dont est étudié ou envisagé le cinéma expérimental détaché du cinéma narratif, et en particulier d'ailleurs dans le cinéma américain. C'est-à-dire que moi j'ai cette conviction, alors on pourrait en parler longuement, mais que le cinéma américain a été reformulé par la génération des cinéastes expérimentaux des années 50-60, c'est-à-dire que Stan Brakhage, Andy Warhol, Marco Poulos, John Cassavetes et ce groupe ont réinventé le cinéma. Enfin, ils ont été une sorte de reformulation moderne qui a permis que se reconstruise un cinéma. Aujourd'hui, on voit des films de Brakhage, mais on se rend compte qu'au fond, sa manière d'utiliser des longues focales, bouger avec abstraites, etc., mais c'est quelque chose qui a envahi le cinéma d'action américain. Et il y a une parenté directe. Cassavetes a réinventé le rapport au personnage, à l'écriture. Il a il a replacé l'acteur au centre du cinéma, de la même manière dont on s'en parlait tout à l'heure. Et Warhol a trouvé une sorte de, a inventé presque une sorte de prototype de la marginale, du fonctionnement d'un groupe marginal au sein du cinéma qui a s'aimé dans le monde entier. Almodovar ferait pas les mêmes films et Fassbinder n'aurait pas fait les mêmes films si Warhol n'avait pas inventé son petit cinéma de la Factory. Donc il y a ces liens existent. Et alors Godard dans tout cela est un peu, disons, c'est la voie vers l'abstraction, mais ça ne tombe pas dans l'abstraction. C'est-à-dire que lui, il n'est pas dans l'underground new-yorkais, mais il n'est plus non plus dans le cinéma, disons, classique. Bah pour moi, Godard a toujours été, j'ai toujours été passionné par Godard, avec des moments, y compris d'irritation, hein, mais parce que c'est vraiment le cinéaste qui a été le plus préoccupé de relier le cinéma moderne avec les avant-gardes artistiques. Il a, c'est quelqu'un qui, malgré qu'il soit issu d'une cinéphilie très spécifique, qui est celle de la fin des années 50 et de la nouvelle vague, au fond, on a l'impression que ces modèles, c'est l'écriture, c'est la littérature, c'est la peinture. Il voit bien que à son époque, les arts majeurs sont pris dans une métamorphose, dans une transformation, dans une réinvention, dans une remise en question à laquelle on ne peut pas considérer que le cinéma ne doit pas faire face. Et donc lui, il prend sur lui de voir ce que ça donne dans le cinéma, de voir si ça a un sens dans le cinéma. Après, c'est un vaste débat de savoir si ça a un sens ou pas, mais le fait est que tout seul, il a pris ça à bras-le-corps et ça donne des œuvres qui sont évidemment à la fois uniques, extraordinaires et qui font de lui, bon, certainement un des cinéastes majeurs de l'histoire du cinéma. Alors pour terminer, je vais revenir à vous parce que bon, c'est un livre où il y a des considérations théoriques, où il y a des analyses de films qu'on attend d'un critique que vous étiez. Il y a des réflexions aussi sur la vie des cinéastes, sur leur personnalité et alors sur vous-même aussi, parce que ces textes un peu autobiographiques, enfin autobiographiques au sens artistique, l'autobiographie de l'artiste, comme des images hantées, vous parlez de moments de votre vie où vous avez senti qu'il fallait passer à une autre étape, en particulier après l'échec d'un film que moi j'avais vraiment aimé qui s'appelle Une nouvelle vie. Il y a eu L'eau froide qui était fait pour la télévision, qui est un de vos meilleurs films. Et ensuite, vous avez pris une autre direction dont on peut dire que Irma Vep était un petit peu le début. Oui, bien sûr. Quand j'ai commencé à réunir mes textes, je me suis évidemment posé la question de comment j'allais construire ce volume, etc. Donc, très vite s'est imposé, admettons, de réunir spécifiquement les textes concernant que j'ai publié dans les cahiers du cinéma à l'époque où j'y étais rédacteur. Bon, et puis d'un autre côté, les choses plus récentes pour créer une sorte de chronologie et de narration. Et j'ai ressorti de mes tiroirs un texte que j'avais laissé de côté et dont j'étais pas sûr, donc qui m'intimidait, enfin où dont j'étais pas complètement content, que j'avais jamais complètement fini. Et puis j'ai lu ce texte et je me suis rendu compte, enfin, j'y ai lu en filigrane, au fond, les questions que je me posais à un moment donné qui a été vraiment une charnière de mon travail. Je me suis rendu compte que j'étais arrivé en fait à saisir, sans le savoir presque, de façon un peu brute, des questions qui étaient des questions déterminantes qui allaient au fond induire tout ce qui allait suivre dans mon travail. C'est-à-dire, est-ce que je peux continuer comme ça ? Où est-ce que j'en suis ? C'est-à-dire, au fond, est-ce que je fais le choix d'être ce que j'avais été jusque-là ? C'est-à-dire quelqu'un qui trace une sorte de ligne droite. Admettons, Olivier Assayas fait du Olivier Assayas de façon et le décline jusqu'à Extinction des Feux. Ou bien est-ce que je me donne le droit, le devoir, la possibilité de me réinventer, de dire bon, maintenant, voilà, j'ai fait ça, c'est fait, qu'est-ce qui se passe ailleurs ? Est-ce que ça vaut pas la peine d'essayer d'autres choses dans le cinéma ? Est-ce que ça vaut pas la peine de reformuler, etc. Mais j'ignorais comment. Et effectivement, quand j'ai fait Une nouvelle vie, quand j'ai fait L'eau froide, puis Irma Vep, qui sont trois films au fond très dissemblables dans la manière, dans l'angle d'attaque et même dans le dans le canevas, le budget, etc. Chaque fois, il y avait ce désir de secouer mon cinéma, de le remettre en cause, de me réinventer. Et, en fait, l'énergie d'où j'ai, où j'ai puisé à ce moment-là, elle vient de ce texte. Elle vient du fait qu'à un moment donné, grâce à l'écriture, à laquelle j'avais renoncé depuis des années et dont je me suis ressaisi à ce moment-là, j'étais arrivé au fond à mettre à jour ce qui m'animait, ce que je désirais vraiment et la direction vers laquelle je voulais aller. Et je crois que c'est ça, c'est ce texte que je n'aimais pas, qui m'a donné confiance et qui m'a donné un peu l'audace d'aller dans la direction vers laquelle je suis allé. Alors aujourd'hui, ce texte, je l'ai nettoyé, je l'ai repris, je l'ai clarifié, mais aussi dans le sens de mettre à jour le plus clairement possible ce qui était sur la table à cette période-là. Alors, est-ce qu'on peut pas dire que Les Destinées Sentimentales, c'est ce retour à une adaptation littéraire, précède des films beaucoup plus expérimentaux comme Boarding Gate et comme Demon Lover? Ça tient quelle place? Je dirais que Les Destinées Sentimentales, c'est plusieurs choses à la fois. L'une, c'est une sorte d'archéologie de mon cinéma, c'est-à-dire c'est le monde tel qu'il était, ça a été ma possibilité, le monde tel qu'il était avant que j'existe, avant que je l'observe, et puis ça a été mon hommage à ce qui m'a constitué, c'est-à-dire le roman classique français. Pour moi, il y avait besoin de rendre hommage au littéraire, de façon littéraire, de trouver une forme cinématographique littéraire qui me permette de le faire. Ce film-là en a été l'occasion. Merci beaucoup, Olivia Sayas. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Présence, écrit sur le cinéma aux éditions Gallimard. Donc, un recueil tout à fait passionnant, comme d'ailleurs est passionnant votre commentaire de ce livre. En attendant Carlos, puisque... Mais oui. Alors là, on verra votre rapport au gauchisme, parce que là, il est à nouveau, il va revenir, il va revenir à la surface. Il y a l'histoire moderne. C'était Projection Privée, une émission de Michel Simon, à la réalisation Tanguy Le Corneau, Bruno Gagnère, Fontani et Didier Lagarde. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 14 mars 2009. Vous pouvez la réécouter à volonté et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.